joyeuse farandole, ronde folle, guerre refrain, qui nous entraîne, qui s'envole, en jouissant des tambourins. C'est la joyeuse farandole, ronde folle, guerre refrain, qui nous entraîne, qui s'envole, en jouissant des tambourins. Dans tous les coins de Provence, et sur le pont d'Avignon, comme en une chaîne immense, tournent filles et garçons. Farandole provençale, que l'on dansera toujours, c'est le chant d'une cigale qui te fit naître un beau jour. C'est la joyeuse farandole, ronde folle, guerre refrain, qui nous entraîne et qui s'envole aux jouissons de tambourin. Avant que le jour s'achève, imaginons un moment que nous sommes dans un rêve, vous, Mireille et moi, Vincent. Parmi toutes vos amies, à la fête un soir d'été, vous seriez la plus jolie, je viendrai vous inviter. Nous danserions la farandole, ronde folle, guerre refrain, qui nous entraîne et qui s'envole au joli son des tambourins. Quand viendrait le mariage pour célébrer notre amour, on verrait tout le village mettre ses plus beaux atours. Cette histoire si jolie serait notre beau roman si nous étions dans la vie, vous, Mireille et moi, Vincent. C'est la joyeuse farandole, ronde folle, guerre refrain, qui nous entraîne et qui s'envole aux jouissons des tambourins. C'est la joyeuse farandole, ronde folle, guerre refrain, qui nous entraîne et qui s'envole aux jouissons des tambourins. Quand on entend la farandole qui s'envole et puis qui meurt, on dit parfois des choses folles en écoutant chanter son.